Chapitre 12e. Miss Lawford dit sa façon de penser. Le major Lawford et ses filles aux yeux bleus ne figurèrent pas parmi les convives qui acceptèrent l'hospitalité princière de Paul Marchmont. Belinda Lawford n'avait jamais entendu l'histoire de la disparition de la femme d'Edward, comme il aurait pu la raconter lui-même, mais elle avait entendu une imparfaite version de la douloureuse histoire racontée par Laetitia. Et cette jeune fille avait informé son amie de l'animosité d'Edward contre le nouveau maître des Towers. Le pauvre cher fou d'enfant persiste à croire que M. Marchmont est au fond de tout cela, de manière ou d'autre, avait-elle dit dans une causerie confidentielle avec Belinda. Mais je ne saurais affirmer si la chose est vraie ou fausse. Quoi qu'il en soit, si l'on prend le parti de M. Marchmont contre Edward, il devient si violent et s'emporte si fort qu'on est obligé de dire toute espèce de vilenie sur le compte du cousin de Mary pour avoir la paix. Mais réellement, quand je le vis un jour à Camberling avec une jaquette de chasse en velours noir et ses beaux cheveux blancs et lisses et sa moustache brune, je le jugeais très intéressant. Et il en serait de même pour vous, Belinda, si vous ne vous préoccupiez pas tant de mon pleureur de frère. Sur ce, Miss Lawford s'était évidemment vue forcée de déclarer qu'elle ne se préoccupait pas d'Edward, quel que fût le sentiment caché sous cette phrase obscure, et de confesser par la véhémence de ses dénégations qu'au contraire, elle détestait plutôt le frère de Miss Arundel. À propos, avez-vous jamais connu une jeune fille qui peut comprendre l'admiration éprouvée par d'autres jeunes filles pour cet objet peu intéressant, un frère? Ou un gentleman qui a ressenti une chaleureuse sympathie pour les sentiments d'un ami concernant les tresses brunes ou le nez grec d'une sœur? Belinda Lawford, ai-je dit, connaissait quelque chose de l'histoire de la mort de Mary Arundel, et elle implora son père de rejeter toutes les invitations de Paul Marchmont. « Vous n'irez pas aux Towers, cher papa, » dit-elle, les mains passées autour du bras de son père, les joues animées et les yeux remplis de larmes en lui parlant. « Vous n'irez pas vous asseoir à la table de Paul Marchmont, boire son vin et lui serrer la main. Je sais qu'il a participé à la mort de Mary Arundel. Oui, papa, je ne veux pas dire qu'il ait commis ce que le monde appelle un crime, ni aucun acte de violence ouverte. Mais il a été cruel pour elle, papa, il l'a été. » Il l'a torturée et tourmentée jusqu'à ce que... » La jeune fille s'arrêta un moment et sa voix faiblit un peu. « Oh, comme je voudrais avoir connu Marie, papa » s'écria-t-elle tout à coup, pour accourir auprès d'elle et la consoler pendant cette rude épreuve. Le major regarda sa fille avec un tendre sourire. Un sourire qui n'avait pas grande signification peut-être, mais qui était plein d'amour et d'admiration. « Vous auriez défendu la pauvre petite femme d'Arundel, ma chère enfant. Vous la défendriez maintenant. » Si elle était vivante et qu'elle eût besoin de votre amitié, je la défendrais, papa, répondit Miss Lawford résolument. Je le crois, cher, je le crois de tout cœur. Vous êtes une bonne jeune fille, ma Linda, vous êtes une noble jeune fille. Vous me tenez vraiment lieu d'un fils, ma chère. Le major Lawford garda le silence pendant quelques instants, tenant sa fille dans ses bras et appuyant ses lèvres sur son front blanc. Vous êtes faite pour être la fille d'un soldat, ma chère, dit-il. Ou la femme d'un soldat. Il l'embrassa une fois encore, puis il la laissa en soupirant pendant qu'il s'éloignait d'elle. Ce fut ainsi que ni le major Lawford, ni aucun des membres de sa famille n'assistèrent aux fêtes splendides que Paul Marchmont donna à ses nouveaux amis. M. Marchmont savait presque aussi bien que les Lawford eux-mêmes pourquoi ils ne venaient pas, et leur absence à sa table étincelante lui fit trouver le pain amer et le vin sans goût. Il voulait ces gens-là autant que les autres. Plus que les autres, peut-être, car ils avaient été les amis d'Edward. Ils voulaient qu'ils tournassent le dos au jeune homme et joignissent leur voix au cri général contre sa violence et sa brutalité. L'absence du major Lawford à la brillante table du banquet tourmentait ce riche moderne, comme la présence de Mardoké à la porte du palais tourmentait Aman. Ce n'était pas assez que les autres fussent venus, si ceux-là restaient à l'écart et témoignaient tacitement par leur absence, leur mépris pour le maître des Towers. Il rencontra plusieurs fois Belinda à cheval avec le vieux groom à tête grise derrière elle, et vit la jeune et courageuse Amazone affrontant les vents de janvier avec ses yeux bleus étincelants et ses cheveux bruns flottant autour de sa figure candide. Il la rencontra et la regarda de sa luxueuse voiture dans laquelle il prenait plaisir à s'asseoir à côté de sa mère, à moitié enfouie parmi les douces couvertures fourrées et les peaux de léopard, rendant odorante l'atmosphère qu'il traversait avec les parfums de sa chevelure, et souriant aux impitoyables critiques des revues nouvelles. Il regarda cette vaillante jeune fille dont les amis s'entêtaient à tenir bon pour Edward Arundel, et le froid mépris qu'exprimait la figure de Miss Lawford lui fit plus d'effet que la bise la plus aigre de janvier. Ensuite, il prit conseil de ses sœurs et de sa mère sans leur dire ses pensées, ses craintes, ses doutes ou ses désirs. Ce n'était pas son habitude d'être franc. Et il accepta leurs idées en ne leur disant que ce qui était nécessaire afin qu'elles puissent lui être utiles. La vie de Paul Marchmont était réglée par quelques maximes si simples qu'un enfant aurait pu les apprendre. Par le fait, je regrette de le dire, que quelques enfants sont des élèves très habiles à cette école de philosophie à laquelle appartenait le maître de Marchmont Towers et étonnent leurs anciens par la précocité de leur intelligence. M. Marchmont aurait pu inscrire sur un très petit morceau de parchemin les maximes morales à l'aide desquelles il réglait ses rapports avec le genre humain. « Conciliez toujours, disait ce philosophe, ne mentez jamais inutilement. Soyez aimables et généreux pour ceux qui vous servent. Nota bene, aucun bon charpentier ne laisse ses outils se rouiller. Faites-vous le maître des opinions des autres, mais tenez votre langue. Cherchez à obtenir le maximum de jouissance avec le minimum de risque. » Voilà les maximes dorées que M. Marchmont avait choisies pour guide de ses actions, et il espérait rouler paisiblement sur le chemin de fer de la vie dans un compartiment de première classe, au moyen des roues bien graissées d'une conscience très facile. Quant à ses quelques malheureux compagnons de voyage, lancés par la portière du wagon pendant le trajet ou abandonnés à quelques stations solitaires, la Providence, et non M. Marchmont, était responsable de leur bien-être. Paul appréciait beaucoup la Providence et aimait à parler très pieusement, comme disaient les uns, ou d'une façon très impie, comme pensaient secrètement les autres, de l'estimable sagesse qui présidait à tout en ce bas monde. Nulle part, d'après l'artiste, la main de la Providence n'avait été plus clairement visible que dans l'affaire relative à la petite cousine de Paul, Mary Marchmont. Si la Providence avait l'intention de faire de la fille de John Marchmont une femme heureuse et une maîtresse prospère de cette majestueuse maison, pourquoi aurait-elle permis ce triste événement qui avait tout à coup rendu malade M. Arundel, le voyage précipité d'Edward, l'accident du chemin de fer et toutes les complications qui en étaient résultées? Rien n'aurait été plus facile pour la Providence que d'empêcher tout cela. Et alors lui, Paul, aurait été encore dans Charlotte Street, Fitzroy Square, attendant patiemment qu'une main amie l'amena sur le grand chemin de la vie. Personne ne pouvait dire qu'il eût été autre chose que patient. Personne ne pouvait dire qu'il eût jamais importuné ses riches cousins aux Towers, qu'on lui eût entendu spéculer sur la possibilité de son héritage, ou qu'il eût, en somme, agi autrement que ne l'aurait fait le meilleur, le plus parfait, le plus consciencieux et le plus désintéressé des hommes. Dans le courant de ce mois de janvier, sombre et glacial, M. Marchmont envoyait sa mère et sa sœur Lavinia faire une visite à la grange. Les habitants de la grange ne s'étaient jamais montrés chez Mrs. Marchmont, mais Paul n'entendait pas que les absurdes lois de l'étiquette vinssent entraver le projet qu'il voulait exécuter. Les dames furent donc à la grange et on les reçut très poliment, car Miss Lawford et sa mère étaient bien trop innocentes et trop nobles d'esprit pour imaginer que ces femmes à figure pâle et à l'apparence délicate pouvaient avoir trompé directement ou indirectement dans le cruel traitement qu'avait chassé de chez elles la jeune femme d'Edward. Mrs. Marchmont et Mrs. Weston furent donc reçues avec bonté, et dans une petite conversation avec Belinda à propos d'oiseaux, de dahlias, de broderies et autres sujets les plus innocents possibles, la rusée Lavinia parvint à causer de Miss Laetitia Arundel et ensuite, par le chemin le plus court et le plus commode, d'Edward et de sa femme. Mrs. Weston fut obligée de sortir de son manchon son mouchoir de batiste quand elle parla de sa cousine Mary, mais elle était femme habile. Elle avait pris à cœur la maxime favorite de Paul à propos de la folie des mensonges inutiles. Elle fut si candide qu'elle désarma complètement Miss Lawford, qui avait, en écolière, l'idée que l'hypocrisie et la pauvreté prenaient toujours une forme servile et abjecte. Elle n'était pas sur ses gardes contre ses adeptes versés dans l'art de la tromperie, qui ont appris à faire cet habile mélange de vérité et de mensonge, qu'il est aussi difficile d'analyser que ces tissus où la soie et le coton sont si habilement entremêlés qu'un œil expérimenté peut seul découvrir la matière inférieure. Lorsque Lavinia eut essuyé ses yeux et remis son mouchoir dans son manchon, elle dit d'un ton moitié riant, moitié pleurant : Vous voyez, chère Miss Lawford, il ne faut pas penser que j'ai la prétention de vouloir vous faire croire que je sois désolée de ce que mon frère a hérité de cette fortune. Évidemment, Ce serait ridicule et inutile par-dessus le marché, en ce sens qu'il n'est pas probable que quelqu'un pût ajouter foi à mes paroles. Paul est charmant, bon, le meilleur des frères, le plus affectueux des fils, et mérite toutes les bonnes fortunes qui peuvent lui arriver. Mais je suis réellement peiné pour cette pauvre petite fille. Je suis réellement peiné, voyez-vous, Miss Lawford. Et je regrette seulement que M. Weston et moi nous ne soyons pas venus plus tôt à Camberling, afin de pouvoir être les amis de cette pauvre enfant, car alors, vous savez, j'aurais pu empêcher cet imprudent mariage secret qui a causé tous les malheurs de Mary. Oui, Miss Lawford, je voudrais avoir été à même de prouver mon amitié à cette malheureuse enfant, quoique par cela, seul Paul n'eût pas hérité de la fortune qui est à lui maintenant, ou du moins pas de sitôt. Je dis pas de sitôt, parce que je ne crois pas que Mary Marchmont eût vécu longtemps, même étant heureuse. Sa mère mourut très jeune, et son père et son grand-père étaient poitrinaires. Ensuite, Mrs. Weston profita de l'occasion, incidentellement toujours, de faire allusion à la bonté de son frère. Mais même dans un panégyrique, elle se tint sur ses gardes et eut soin de ne pas en dire trop long. Les moins bons acteurs sont ceux qui exagèrent leur rôle. C'était là une autre des maximes dorées de Paul Marchmont. « Je ne sais pas ce que mon frère peut être pour le reste du monde, » dit Lavinia, « mais je sais combien il est bon pour les siens. J'aurais honte de vous dire tout ce qu'il a fait pour M. Weston et moi. Il m'a donné ce châle cachemire au commencement de l'hiver et des fourrures aussi belles que celles d'une duchesse, quoique je lui ai dit qu'elle ne faisait pas du tout l'affaire d'une pauvre femme de médecin de village qui n'a qu'une servante et poussait elle-même son salon. » Mrs. Marchmont parla de son fils, non pas avec un enthousiasme bruyant, mais avec un ton de conviction profonde qui était sans prix pour la réputation de Paul. Avoir une personne innocente, quelqu'un qui n'est pas dans le secret pour jouer un petit rôle dans la comédie de sa vie, était un des désirs de l'artiste. Sa mère avait toujours été cette personne, cette actrice, sans s'en douter, qui participait instinctivement à l'intrigue de la pièce, versant des larmes réelles et souriant de bon cœur, et d'une très grande utilité un habile trameur de complots. Mais pendant toute la durée de cette visite, il ne fut pas question de la conduite de Paul envers sa malheureuse cousine. On ne dit rien pour le louer ou le disculper, et quand Mrs. Marchmont et sa fille s'éloignèrent dans l'un des équipages neufs que Paul avait choisi pour sa mère, elles ne laissèrent qu'une vague impression dans l'esprit de Belinda. Elle ne savait trop que penser. Ces femmes-là étaient si franches et si candides, elles avaient parlé de Paul avec une affection si réelle, qu'il était presque impossible de douter d'elles. Paul Marchmont pouvait être un méchant homme, mais sa mère et sa sœur l'aimaient, et ignoraient à coup sûr sa méchanceté. Mrs. Lawford s'inquiéta très peu de cette visite matinale inattendue. C'était une excellente femme au cœur bon, très casanière, et elle se préoccupait beaucoup plus de savoir si elle achèterait de nouveaux rideaux en damas pour le salon, ou si elle ferait teindre les autres, si elle retirerait sa pratique à l'épicier de Camberling, dont le meilleur thé noir à 4 shillings 6 pence était réellement de qualité inférieure maintenant, ou si la robe d'été de Belinda ne pourra pas servir de vêtement à Isabelle pour les soirées d'hiver. Que du plus ou moins de droit qu'avait Edward Arundel dans cette histoire des coups de fouet administrés à Paul Marchmont. « Ces gens de Marchmont Towers me paraissent très bien, » dit-elle à Belinda, « et je désire réellement que votre père aille dîner chez eux. Tu sais que je tiens beaucoup à ce que ton père dîne souvent dehors en hiver, Linda. Non que je veuille économiser l'argent du ménage, seulement il est si difficile de varier les entremets pour un homme qui était habitué au dîner de la messe des officiers et à un cuisinier français. » Mais Belinda tint bon pour sa cause. Elle était réellement la fille d'un soldat, comme disait son père, et elle valait presque autant qu'un fils. Ces dernières remarques du major étaient très éloignées à ses yeux, car le grand chagrin de sa vie avait été la privation d'un fils dans sa famille. Elle valait autant qu'un fils, c'est-à-dire qu'elle était plus brave et plus franche que la plupart des femmes, quoiqu'elle fût en même temps femme, douce et pas du tout forte tête. Elle se serait évanouie, peut-être, à la vue du sang sur un champ de bataille, mais elle aurait versé son sang jusqu'à la dernière goutte avec le calme héroïsme d'une martyre, plutôt que d'abandonner une noble cause. « Je crois que papa a parfaitement raison de ne pas aller à Marchmont Towers, maman, » dit-elle. La rusée négligeait d'ajouter que c'était à cause de ses supplications que son père s'était dispensé d'y aller. « Je crois qu'il a tout à fait raison. Mrs. Marchmont et Mrs. Weston peuvent être fort bien, et il est évidemment clair qu'elle n'aurait su être cruelle pour la pauvre jeune Mrs. Arundel. Mais je sais que M. Marchmont a dû être très méchant pour elle, ou sans cela M. Arundel n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Il est dans la nature des hommes bons et braves de laisser au vestiaire en même temps que leur chapeau tous leurs droits masculins et de se soumettre humblement au gouvernement féminin. Il n'y a que les gens hargneux, les êtres rampants et lâches hors de chez eux, qu'ils soient tyrans à l'intérieur. Voyez avec quelle humilité le conquérant de l'Italie revenait auprès de sa charmante femme créole. Voyez avec quel plaisir le libérateur de l'Italie se promène dans la voiture de son impératrice aux cheveux blonds dorés, quand les jeunes arbres de ce beau bois derrière l'Arc de Triomphe reverdissent au printemps et que toutes les voitures de louage de Paris courent vers la cascade. La femme du major Lawford était trop douce et trop occupée des détails du ménage pour tyranniser son seigneur et maître. Mais le major était complètement sous l'empire de ses filles aux yeux bleus et il agissait à leur guise. Ainsi, il se tint à l'écart de Marchmont Towers pour plaire à Belinda et se contenta de dire « Oh oui, ma parole !» Juste ciel. Quand ses amis lui parlèrent de la magnificence des dîners de Paul. Mais quoique le major et sa fille aînée ne rencontrassent pas M. Marchmont chez lui, ils le virent parfois sur le terrain neutre de la salle à manger d'autres personnes, et entre autres, un charmant petit dîner donné par le curé de la paroisse dans laquelle la grange était située. Paul essaya de se rendre particulièrement agréable en cette occasion, mais dans ce court intervalle qui précède le dîner, il fut absorbé par une conversation avec M. Davenant, le curé, sur l'architecture ecclésiastique. Il savait tout et pouvait parler de tout, ce cher Paul, et il ne fit aucune tentative pour se rapprocher de Miss Lawford. Seulement, de temps en temps, ses yeux fendus en amande et gris pâle lancèrent à la jeune fille un regard furtif et oblique. Un regard qui était prudemment caché par ses paupières blondes, car il avait une ressemblance désagréable avec l'œillade méchante d'un mauvais esprit. M. Marchmont se contenta d'épier ainsi Belinda pendant qu'elle causait gaiement avec les deux filles du curé, dans un charmant petit coin près du piano. Et comme l'artiste conduisit Mrs. Davenant dans la salle à manger et s'assit à table auprès d'elle, il n'eut pas l'occasion de fraterniser avec Belinda pendant ce repas, car la jeune fille était séparée de lui par toute la longueur de la table et de plus, très occupée par les attentions exclusives de deux officiers imberbes de la ville de garnison la plus rapprochée qui était affligé d'une extrême jeunesse et avait la pénible conviction de leur infortune, quoi qu'ils fissent de leur mieux pour traiter la question haut la main et affectant des opinions d'hommes blasés de 50 ans. M. Marchmont n'avait avec lui à ce dîner aucun membre de sa famille, car sa mère et sa sœur n'avaient eu ni l'une ni l'autre la force de venir, et M. et Mrs. Weston n'avaient pas été invités. Le but particulier de l'artiste en venant à ce dîner avait été la conquête de Miss Belinda Lawford. Elle tenait bon pour Edward Arundel contre lui. Il fallait lui faire croire qu'Edward avait tort et lui, Paul, raison, ou bien elle pourrait propager ses opinions et devenir nuisible. En outre, il avait une autre idée au sujet de Belinda, et il comptait sur cette dernière pour avoir l'occasion de jeter les fondements d'un plan très diplomatique dans lequel Miss Lawford deviendrait son instrument à son insu. Il fut vexé d'être placé loin d'elle à table, mais il cacha sa contrariété qu'augmenta l'hospitalité antique du curé qui retint les gentlemen à table après que les dames se furent retirées. Mais l'occasion qu'il désirait s'offrit quand même et d'une façon inattendue. Les deux imberbes défenseurs de leur pays s'étaient glissés hors de la salle à manger et étaient allés rejoindre les dames dans les salons ornés à la mode campagnarde. Ils s'étaient échappés, ces deux jeunes gens, car ils étaient oppressés par le poids d'un affreux secret. Ils ne pouvaient pas boire de Bordeaux. Non, ils avaient essayé de l'aimer, ils avaient fait claquer leurs lèvres et cligner de l'œil, ou plutôt des yeux, car cligner de l'œil est un talent incompatible avec l'extrême jeunesse, en regardant des vues qui leur avaient semblé un heureux mélange d'encre rouge et de jus de groseille verte. Ils avaient parjuré leurs âmes d'enfants par d'horribles mensonges en appréciant le porto brun pâle, les vins secs légers porto de 42, porto de 45, Rob Kerouris, Thompson et Croft et Sandman, tandis que, dans les profondeurs secrètes de leur esprit, ils préféraient les mélanges doux et visqueux vendus par les restaurateurs et nommés fallacieusement « Vieux Porto, premier choix à 5 shillings ». Ils étaient très jeunes, ces soldats imberbes. Ils aimaient les glaces à la fraise et étaient à la veille d'être déclarés insolvables à cause de leur prédilection pour les meringues, les tartelettes et l'eau de cerise. Ils aimaient les gilets voyants, les bottes vernies à l'état vierge et brillant, les petits bouquets à la boutonnière et un déluge de mille fleurs sur leurs mouchoirs. Ils étaient très jeunes. Les hommes qu'ils rencontraient aujourd'hui à dîner les avaient malmenés à Eton ou à Woolwich, pas plus tard que hier, ainsi qu'ils leur semblaient, et ils les méprisaient en s'en souvenant. Il n'y avait que quelques mois qu'on s'était moqué d'eux, pour avoir appelé le Douro une montagne de la Suisse, et l'Himalaya un groupe d'îles dans le Pacifique, à d'horribles examens où la sueur froide avait perlé sur leurs joues pâles et sans duvet. Ils étaient bien aises de s'éloigner de ces vieilles gens de la salle à manger du curé, pour se faufiler dans le petit salon où Belinda Lawford et les deux Mrs. Davenan roucoulaient doucement au coin du feu comme des pigeons dans un pigeonnier bien abrité, tandis que les matrones installées dans un autre salon plus grand dégustaient leur café et se racontaient d'une voix basse et mystérieuse les iniquités des servantes et l'insubordination des jardiniers et des grooms. Belinda et ses deux compagnes furent très polies pour les jeunes échappés de la salle à manger, et la causerie roula assez agréablement sur toute espèce de choses, jusqu'à ce qu'enfin, de manière ou d'autre, on avint en scandale de Marchmont Towers et au coup de fouet administré par Edward aux parents de sa femme. L'un des jeunes gens avait assisté au déjeuner de chasse de cette belle matinée d'octobre, et il n'était pas peu fier de connaître à fond toute l'affaire. « Miss Lawford, dit-il, j'étais sur la terrasse après déjeuner, et un très bon déjeuner, je vous assure. Le Moselle sec était réellement admirable, et Marchmont a du madère qui surpasse tout ce que m'a jamais envoyé mon marchand de vin. J'ai été sur la terrasse, et je vis Arundel affreusement pâle monter l'escalier en serrant son fouet. Je fus témoin du reste de la scène, et si j'avais été à la place de Marchmont, j'aurais tué Red Arundel avant qu'il eût quitté le parc, quand même la cour d'assises me réclamait, Miss Lawford, car j'aurais compris, morbleu, que le sentiment de mon honneur demandait ce sacrifice. Néanmoins, Marchmont me semble un très bon garçon. Je suppose donc que tout est bien en ce qui le concerne. Mais ce fut en somme une brutalité, et cet Arundel n'est qu'un misérable. » Belinda ne put supporter cela. Elle en avait déjà supporté pas mal. Elle avait été obligée très souvent d'entendre discuter la conduite d'Edward Arundel par Thomas, Richard, Henry ou n'importe qui s'avisait de parler sur ce sujet. Et elle avait été patiente, elle s'était tue, tandis que son cœur battait vivement d'indignation et que la rougeur de la colère envahissait ses joues. Mais elle ne put permettre que je n'enseigne un berbe à figure pâle et à vue un peu faible, qui n'avait jamais rendu à son pays et à sa reine d'autre service que celui de crier « en avant-marche » à un détachement de recrues dans une cour de caserne par une froide matinée d'hiver, prit sur lui de blâmer Edward Arundel, le vaillant soldat, le noble héros de l'Inde, le fidèle amant et mari, et l'intrépide vengeur des torts fait à sa femme morte. Je ne crois pas que vous sachiez rien de l'histoire réelle, monsieur Palliser, dit Belinda, hardiment à l'ancienne qui n'avait pas encore toutes ses plumes. Si vous en saviez quelque chose, je suis sûr que vous admireriez la conduite de monsieur Arundel au lieu de la blâmer. Monsieur Marchmont méritait complètement la correction qu'Edward, que monsieur Arundel lui a infligée. Les paroles expiraient à peine sur ses lèvres, lorsque Paul Marchmont lui-même s'approcha doucement à la lueur vacillante du foyer de la chaise sur laquelle était assise Belinda. Il se posta derrière elle et, appuyant légèrement sa main sur le dossier de la chaise, il se pencha vers elle et lui dit à voix basse et confidentielle « Vous êtes une noble jeune fille, Miss Lawford. Je regrette que vous ayez mauvaise opinion de moi, mais j'aime votre franchise. Vous êtes une très noble jeune fille et vous méritez bien d'être la fille de votre père. » Ceci fut dit d'un ton d'émotion contenu, mais c'était un trait lancé au hasard. Paul Marchmont ne savait rien du major, excepté qu'il avait un beau revenu, une jolie voiture, et qu'on le voyait souvent chevaucher avec sa fille aînée sur les routes du Lincolnshire. Paul ne le connaissait pas autrement, et le major Lawford aurait pu être le plus grand bravage chez Poltron qui ait jamais rendu misérable ceux qui l'entouraient. Mais le ton de M. Marchmont semblait dire clairement qu'il était renseigné sur la carrière du vieux soldat, et qu'il l'admirait et l'aimait depuis longtemps. Ce fut une des heureuses inspirations de Paul, cette allusion au père de Belinda, d'une de ses brillantes touches de couleur données avec une habileté insouciante et faisant resplendir tout à coup tout le tableau. Une légère teinte de vermillon déposée sur la toile avec le bout de la palette et éclairant le paysage des feux du soleil. « Vous connaissez mon père ?» dit Belinda surprise. « Qui ne le connaît pas ?» s'écria l'artiste. « Croyez-vous, Miss Lawford, qu'il soit nécessaire de s'asseoir à la table d'un homme pour savoir qui il est ?»« Je sais que votre homme est un homme et un brave soldat, tout comme je sais que le duc de Wellington est un grand général, quoique je n'ai jamais dîné à Apsley House. Je respecte votre père, Miss Lawford, et j'étais bien peiné de voir qu'il m'évitait, moi et les miens. » Ceci pouvait s'appeler aller droit au but. Les manières de M. Marchmont étaient celles de la candeur elle-même. Belinda le regarda avec des yeux tout grands ouverts et étonnés. Elle cherchait la preuve de sa méchanceté sur sa figure. Je crois qu'elle s'attendait à ce que M. Marchmont eût des sourcils faits au bouchon noir et un chapeau rabattu sur le front comme un traître de mélodrame. Elle était si innocente, cette simple et jeune Belinda, qu'elle s'imaginait que les gens méchants devaient forcément le paraître. Paul Marchmont vit l'hésitation de la jeune fille dans son air à moitié intrigué. Il continua hardiment. « J'aime votre père, Miss Lawford. Je l'aime, je le respecte et je désire le connaître. D'autres personnes peuvent me méconnaître si elles veulent. Je ne puis empêcher les gens d'avoir leurs opinions. La vérité finit toujours par l'emporter, je puis me permettre d'attendre. Mais je ne puis me permettre de perdre l'amitié d'un homme que j'estime. Je ne puis me permettre d'être méconnu par votre père, Miss Lawford. J'ai été très peiné, oui, très peiné, de la manière dont le major a repoussé mes petites avances d'amitié. » Belinda sentit son cœur se serrer. Elle savait que c'était son influence qui avait tenu son père à l'écart de Marchmont Towers. Cette jeune fille était très consciencieuse. Elle était chrétienne aussi, et une certaine maxime à propos des jugements téméraires lui revint en mémoire, tandis que M. Marchmont parlait. S'il avait fait du tort à cet homme, si Edward Arundel avait été égaré par la douleur passionnée que lui avait causée la perte de Mary, s'il avait été trompé par l'erreur d'Edward, comme M. Marchmont avait été maltraité par eux deux. Elle ne dit rien, mais elle regarda le feu d'un air pensif, et Paul vit qu'elle devenait de plus en plus embarrassée. C'était justement ce que voulait l'artiste. Amener en causant son antagoniste à ne plus voir qu'à travers un brouillard intellectuel, c'était presque toujours sa manière de commencer l'argumentation. Belinda était silencieuse, et Paul s'assit sur une chaise à côté d'elle. Les enseignes imberbes étaient allées dans le salon du devant éclairé par des lampes. Elle s'occupait à tourner les feuilles, jamais au bon moment, d'un morceau de musique à deux voix que les Mrs. Davenant exécutaient pour l'édification des convives de leur père. Miss Lawford et M. Marchmont étaient donc seuls dans cette gentille petite chambre, et à eux deux, ils offraient un joli coup d'œil. La jeune fille aux joues roses et le pâle artiste à figure sentimentale étaient assis côte à côte à la lueur de la flamme du foyer, ayant derrière eux les rideaux rouges et les cadres brillants des tableaux. Des fleurs d'hiver étaient arrangées dans de curieux vases indiens. La lueur vacillante se reflétait de temps en temps sur un angle saillant de la haute cheminée sculptée avec sa profusion de porcelaine antique. Et le reste de la chambre était dans l'ombre. Paul était seul maître du champ de bataille, et il sentait que la victoire serait facile. Il commença à parler d'Edward Arundel. S'il eût dit un seul mot contre le jeune soldat, je crois que cette impétueuse jeune fille, qui n'avait pas encore appris à peser ses paroles, eût été passionnément éloquente pour la défense du frère de son ami. Il va sans dire que c'eût été seulement parce qu'il était le frère de son ami. Quelle autre raison pouvait-elle avoir pour défendre M. Arundel? Mais Paul Marchmont ne lui fournit pas l'occasion de s'indigner. Au contraire, il parla avec éloge du jeune soldat tête chaude qui l'avait assailli, chercha toutes sortes d'excuses à la violence du jeune homme, et se servit de ce ton de calme supériorité avec lequel un homme du monde pourrait naturellement parler d'un garçon écerbelé. « Il a été très déraisonnable, Miss Lawford, » disait Paul. « Il a été très déraisonnable et m'a insulté grossièrement. Mais en dépit de tout, je le crois un très noble jeune homme, et au fond du cœur, je ne puis lui en vouloir réellement. Qu'a-t-il à me reprocher particulièrement? C'est là ce que j'ignore. » Son regard furtif qui s'échappait de ses longs yeux étroits scrutait de près la figure de Belinda, tandis qu'il parlait ainsi. M. Marchmont voulait savoir jusqu'à quel point Belinda était renseignée au sujet des griefs d'Edward contre lui, mais il ne découvrit que de la perplexité sur sa figure. Elle ne savait donc rien de positif. Elle avait seulement entendu Edward parler vaguement de ses torts. Paul Marchmont fut convaincu de cela, et il poursuivit hardiment alors, car il sentait que le terrain était déblayé devant lui. « Ce fou de jeune soldat s'est mis en tête d'être furieux contre moi, à cause d'un malheur que je ne pouvais pas plus empêcher que l'accident sur le South Western Railway qui faillit lui faire perdre la vie. Je ne puis vous dire combien je regrette sincèrement la méprise à laquelle son esprit y a ajouté foi. Parce que j'ai profité de la mort de la fille de John Marchmont, cet impétueux jeune mari s'imagine, quoi, je ne saurais répondre à cette question. Ni lui non plus, à ce qu'il paraît, puisqu'il n'a exposé clairement ses griefs à qui que ce soit. L'artiste regarda avec plus d'attention que jamais la figure de Belinda qui écoutait. Il n'y avait pas de changement dans son expression. Le même regard étonné, la même perplexité, c'était tout. Quand je dis que je regrette la folie du jeune homme Miss Lawford, continua Paul, croyez bien que c'est plutôt pour lui que pour moi. Quelle que soit l'insulte qui m'inflige, elle rejaillit sur lui, puisque chacun dans le Lincolnshire sait que j'ai raison et qu'il a tort. M. Marchmont poursuivait avec beaucoup de douceur, mais en cet endroit, Miss Lawford, qui n'avait nullement déserté son drapeau, l'arrêta dans sa marche. Il reste à prouver qui a tort ou raison, M. Marchmont. M. Arundel est le frère de mon ami. Je ne puis croire facilement qu'il ait eu tort. Paul la regarda avec un sourire qui la fit rougir beaucoup, mais elle lui rendit son regard sans broncher. La brave jeune fille fixa hardiment ses yeux sur les yeux gris et étroits qui s'abritaient sous les cils blancs pâles et ne les détourna pas. « Ah, Miss Lawford, » dit l'artiste, toujours souriant. « Lorsqu'un jeune homme est beau, chevaleresque, a le cœur généreux, et il est difficile de prouver à une femme qu'il a tort. Edward Arundel a mal agi. Son don quichotisme poussé à l'excès l'a aveuglé sur la folie de ses actes. Je puis lui pardonner. Mais je répète que je regrette son infatuation au sujet de cette pauvre jeune femme, beaucoup plus à cause de lui que de moi, car je sais, ou du moins je m'aventure à penser, qu'il a devant lui un sentier qui le mènerait à une vie plus heureuse et meilleure que celle qu'il aurait menée avec ma pauvre enfant de cousine, Mary Marchmont. J'ai mes raisons pour croire qu'il a en idée un autre attachement, et que ce n'est qu'une illusion chevaleresque à propos de sa pauvre femme qu'il n'a jamais aimée réellement, et qu'il n'épousa qu'à cause de quelque idée romanesque suggérée par mon cousin John, qui l'empêche de songer à cette autre perspective plus brillante. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit à la hâte « Pardonnez-moi, Miss Lawford, j'étais amené à dire bien les choses qu'il aurait mieux valu taire, surtout pour vous, je... » Il hésita un peu, comme s'il était embarrassé, puis il se leva et regarda dans la chambre voisine où le duo avait été suivi d'un solo. L'une des filles du curé vint vers le salon intérieur, suivie d'un enseigne imberbe. « Il nous faut Belinda pour chanter, » s'écria Miss Davenant. « Nous voulons que vous chantiez, paresseuse Belinda, au lieu de vous cacher dans ce salon obscur toute la soirée. » Belinda sortit de l'obscurité, les joues animées et les paupières baissées. Son cœur battait si vite qu'il lui était tout à fait impossible de parler pour le moment et de chanter aussi. Mais elle s'assit devant le piano et les mains tremblantes, en dépit d'elle-même, elle commença à jouer une de ses sonates favorites. Malheureusement, Beethoven demande la précision de touche au pianiste, qui a l'audace de chercher à interpréter. Et en cette occasion, je suis forcé d'avouer que le doigté de Miss Lawford fut excentrique, pour ne pas dire ridicule. Pour parler en termes vulgaires, elle fit un beau gâchis. Et juste au moment où elle allait renoncer à jouer, Clara Davenant lui cria d'un ton amical « C'est inutile, Belinda. Nous voulons que vous chantiez et non que vous jouiez. Vous essayez de nous donner le change. Nous aimerions mieux une mélodie de Moore que toutes les sonates de Beethoven. » Miss Lawford, toujours rouge et les paupières baissées, joue donc une simple symphonie de Sir John Stevenson et d'une voix fraîche qui remplit la chambre de mélodie, elle commença « Oh, les jours sont passés où la beauté fit le tour de mon cœur avec sa chaîne, où mon rêve depuis le matin jusqu'à la nuit tombante était l'amour, toujours l'amour. » Et Paul Marchmont, assis à l'autre bout du salon où il feuilletait un album de Miss Davenant, regardait à travers ses cils blonds et souriait à la chanteuse rayonnante. Il sentait qu'il avait profité de l'occasion. « Je ne crains plus Miss Lawford maintenant, » se dit-il en lui-même. Cette candide et fervente jeune fille était seulement une pièce nouvelle dans la partie d'échecs du conspirateur, et il voyait le moyen de s'en servir pour atteindre ce grand but, que dans l'étrange simplicité de la ruse, il croyait être le seul dans la vie de chaque homme, la prospérité personnelle. Il n'eut pas un seul instant l'idée qu'Edward Arundel fût plus réel que lui. Il ne peut y avoir entente parfaite là, où il n'y a pas de sympathie. Paul croyait qu'Edward avait cherché à s'emparer de l'héritage de Mary Marchmont et, n'ayant pas réussi, était furieux de son échec. Il croyait que ce bouillant jeune homme était un comploteur comme lui, seulement un peu plus impétueux et un peu plus sujet à faire des bévues dans l'exécution de ses projets.